Bonjour les amis, welcome to French Pod America. Et je suis Amaury, bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui une nouvelle leçon intermédiaire. An intermediate lesson. In this time of the year, what happens is people tend to get sick. Oui, c'est vrai que cette leçon n'est peut-être pas la plus originale. Or the most happy, but ouais. You do need to know how to talk about these things if you really want to be able to speak French, right? Il faut passer par là. So let's do it. We're about to listen to a phone conversation. Oui, quelqu'un qui a du souci pour son ami. Yeah, because he hasn't seen him and wants to make sure he's okay. Exactement. So let's find out. Que s'est-il passé? Allô, Eric? Je ne t'ai pas vu au cours de théâtre avant-hier. J'ai la grippe. Ça fait combien de temps que tu es malade? 3 jours. Au début, je croyais que c'était seulement un rhume, mais je suis allé chez le docteur. Il m'a conseillé de ne pas sortir. Tiens, c'est la même chose qui est arrivée à ta sœur la semaine dernière. Je sais, j'ai dû attraper sa maladie. Je peux faire quelque chose pour toi? Non, ça va, merci. Bon, je te laisse, je dois me reposer. Prends bien soin de toi. Salut. So why did he call Eric? Car il ne l'a pas vu au cours de théâtre avant-hier. So they must be aspiring actors. Oui. And when? Avant-hier. That's in French how you say the day before yesterday. Avant-hier. Oui. Well, so why wasn't Eric au cours de théâtre? Eric a la grippe. La grippe. The flu. Exactement. And it creeps you. Cette maladie. Cela fait combien de temps qu'il est malade? Cela fait combien de temps que? Oui. Is how long have you been? It's followed by the present. How long have I been working? Cela fait combien de temps que je travaille? C'est ça, oui. For example. Or what's another example? Cela fait combien de temps que tu vas à la gym? Zero. Nice try. And you? Non, cela fait combien de temps que tu vas to the gym? Des années. You're right. You're my hair. Ça fait combien de temps que tu parles français? Me? Ouais. I guess you could say 15 years, really. But that's when I started learning. So I wouldn't say I spoke it back then. And you? Cela fait combien de temps que tu parles français? À quel âge j'ai commencé à parler? À quel âge on commence à parler, Erika? I don't know. I'm really bad when it comes to that. Ouais. Like when my friends have kids, like, why aren't they talking yet? What are you, stupid? They don't talk at 6 months. Okay, sorry. On va dire que j'ai commencé à 2 ans, donc cela fait 29 ans. Toute ma vie. Okay, so, and him, cela fait combien de temps qu'il est malade? 3 jours. That sucks, pretty long time. Then he tells us the story that we love hearing from people, qui a la grippe. Ouais. All the details of their sickness. But he's a good friend, so he listens. So he tells us the story at first. Au début. Au début, a fixed expression. Ouais. At first. So au début, did he think it was something else? Oui, il croyait que c'était seulement un rhume. Un rhume? What's the difference between that and une grippe? Grippe, he'd be like throwing up and stuff. Voilà, et en plus tu auras de la fièvre. All right, yeah, sure. You can have a fièvre if you have a rhume. Oui, mais un petit peu de fièvre. Grippe, on va dire, c'est plus grave. Because you can really still function if you have a rhume. Like, you still go to work. Voilà. But if you have la grippe, maybe not. Tu dois rester. You can still go au cours de théâtre, for example. Voilà. But la grippe, maybe not. So he said, au début, je croyais que c'était seulement un rhume. Ouais. Je croyais que. Now, the word croire, to believe or to think. Ouais. When you're saying it in the past, the majority of time, it's the imperfect. You say, je croyais que. Oui. You parce know, que pendant like, toute une période. Because you usually think for longer than 1 second. Exactement. So it ends up being a long period, so you use the imperfect. You say, je croyais que. Yesterday, je croyais que I lost my keys, but then I found them. Oui, parfait. Je croyais that for a long time. Oui. Tu croyais que tu avais perdu ta carte de banque? No, I really did. Oh. It's my bank card. Je croyais que. I lost it, and turns out I was right. So, il croyait que, probably for a couple of days, que c'était seulement rhume, mais what? Mais à un moment, il s'est dit qu'il devait aller voir le docteur. Donc, il est allé chez le docteur. You go chez le docteur. Exactement, attention, faut bien insister. Chez le docteur. That's right. Does it mean you're going to his house? Non. Chez le docteur implies his office. Oui. So, il est allé chez le docteur. Oui. And what the doctor do? Le docteur lui a conseillé de ne pas sortir. Conseiller à quelqu'un de faire quelque chose. Tout à fait. So here, le docteur lui a conseillé de ne pas sortir. Oui. For example, je te conseille de ne pas make me mad. Ok. Moi, je te conseille de ne pas perdre ta carte de banque. Encore une fois. Moi, je te conseille de ne pas remind me of that again, because I'm not happy about it. So, the friend is like, hey, tiens, what? Oui, parce qu'il connaît, il connaît toute la famille. You must be close. Close pals. C'est la même chose. That what? Qui est arrivé. We use qui here, because the next word coming after it is a verb. C'est la même chose qui est arrivé. Compared to, for example, c'est la même chose que ta sœur, blah, blah, blah, blah. C'est la même chose qui est arrivé à ta sœur. C'est ça. So, est arrivé to who? À ta sœur. When? La semaine dernière. Oh, what a coincidence. Quelle coïncidence. Then we learn, when Willie says next, how to say, oh, I must have. J'ai dû attraper sa maladie. J'ai dû. Like, when I lost my bank card. Oh, j'ai dû. Left it somewhere. Tu as dû l'oublier quelque part. Or the card a dû fell out of my purse. Ouais. For example, la carte a dû tomber par terre. Must have fallen on the floor. Qui here. Sait? Who knows? It's right. Qui sait, Amory? All I know is I had to deal with a lot of. All I know is it's gone. All right. So il a dû what? Attraper. Catch. Sa maladie. Whose sickness? La maladie de sa sœur. Yeah, sa maladie. What's the whole sentence? J'ai dû attraper sa maladie. I must have caught what she had. J'ai dû attraper sa maladie. Ouais. What a good friend. Ben oui. Je peux faire quelque chose pour toi. Pour ta carte de banque, je peux faire quelque chose pour toi. Done now. Okay. C'est fait. You did say that to me though when I lost it. C'est vrai. That's right. Oh, you're such a nice friend. Donc, la même chose ici. Je peux faire quelque chose pour toi, pour l'aider en fait. Il propose son aide. Right. And he says, non, ça va, merci. And then we learn how to hang up on the phone with somebody. We parle. Hey, bon, je te laisse. Ouais. Gotta let you go. Je te laisse. C'est ce qu'on dit lorsqu'on termine une conversation téléphonique. Bon, je te laisse. Et généralement, on donne une raison, comme ici. Ok, what is it? Il doit se reposer. Se reposer, rest oneself. Mm-hmm. So, il doit se reposer. So, he says, je dois me reposer. Oui. Amory, tu dois te reposer. You look tired. Je dois me reposer. Me too. So, nous devons nous reposer. Eh oui. And then, we learn to say something nice if someone tells you they're sick and... Prends bien soin de toi. Take. Prends. Good. Bien. Care soin of yourself. De toi. Prends bien soin de toi. Voilà. Donc, c'est vraiment quand quelqu'un est malade. On n'utilise pas ça dans les conversations de tous les jours pour dire au revoir. Like in English, we do. En anglais, on l'utilise tout le temps. Take care, take care. Yeah. En français, non. C'est dans une situation de maladie ou alors lorsque quelqu'un part au loin, en voyage pour longtemps. OK. Tiens, why don't we listen to the dialogue again now? C'est parti. Allô, Eric ? Je ne t'ai pas vu au cours de théâtre avant-hier. J'ai la grippe. Ça fait combien de temps que tu es malade ? 3 jours. Au début, je croyais que c'était seulement un rhume, mais je suis allé chez le docteur. Il m'a conseillé de ne pas sortir. Tiens, c'est la même chose qui est arrivée à ta sœur la semaine dernière. Je sais, j'ai dû attraper sa maladie. Je peux faire quelque chose pour toi ? Non, ça va, merci. Bon. Je te laisse, je dois me reposer. Prends bien soin de toi. Salut. You're sick, aren't you, Amory? Tu es malade. Oui. Cela fait combien de temps que tu es malade? Cela fait 3 jours que je suis malade. Oh, le pauvre. Oui, voilà. You feel better today, though, right? Oui, c'est pour ça que je suis venu travailler. C'est quoi ta maladie? Mais honnêtement, je croyais que c'était un rhume, mais je crois que j'ai la grippe. Did you go chez le docteur non, to find out? Non, je ne suis pas allé chez le docteur. So you're speculating? Do you know someone else who has la grippe? Oui, j'ai un ami qui a la grippe pour le moment. Et je crois que c'est possible que j'ai attrapé sa maladie. Ok, so tu as dû attraper sa maladie. Ouais. Oh, poor Amory. Well, ouais. Mais fais attention, Erika, parce que tu risques d'attraper ma maladie. Ok, well, let's wrap it up. I can't look away from you. I don't want to be in the studio with your germs anymore. No, I'm just kidding. Amory, no, I hope you feel better. Prends bien soin de toi. Merci, Erika. And FrenchPod listeners, if you have any questions at all, come to FrenchPod.com and you can ask us. Voilà. Si vous voulez m'envoyer des messages de soutien. Oh, no. Si vous voulez m'envoyer un petit « Prends bien soin de toi, Amory ». Then that would be so nice. Ça me ferait plaisir. Au revoir.